top en ce moment, pour être honnête. C'est la mer. Ma sœur jumelle, elle est trop malade. Y a pas de place dans les hôpitaux pour faire les examens. C'est grave la merde. Ma nana, elle vient de se barrer pour retourner avec son ex. Juste après m'avoir demandé si je voulais lui faire des enfants. J'ai un peu les nerfs. À ce moment-là. Et donc, elle m'a dit qu'elle, elle savait que ça lui irait bien pour ma soeur. Et ben, c'est cool. Thank you.